Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, il ressemble à tes 20 ans, au soleil qui tendrement nous fait oublier le temps. Personne n'a jamais su me dire les mots du cœur. Quelque chose comme je t'aime. Ce soir, la vie me semble belle. L'amour attire d'elle, s'est posé sur toi et moi. Existe encore, il ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort.